Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'esclavage et à son histoire. Après l'inauguration par le président de la République, c'était il y a une dizaine de jours, du Mémorial Acte à la Guadeloupe qui sera au cœur de notre émission de mercredi. Mais comme tous les lundis, depuis le début de cette saison, cette émission est composée en deux parties et nous recevrons donc deux invités. D'abord une historienne, Fanny Bunion, elle est enseignante à Rennes 2 et elle publie chez Payot un livre sur les Amazones de la terreur. C'est ainsi qu'elles avaient été qualifiées, ces femmes, par la presse des années 70 et 80. Elles étaient engagées à la fraction Armée Rouge et à Action Directe. On va en parler avec elles dans un instant. Puis vers 9h35, en ouverture de notre semaine sur l'histoire de l'esclavage, nous aurons le plaisir de recevoir l'anthropologue Gaetano Ciarcia. Il est anthropologue, dont professeur d'ethnologie à l'université Paul-Valéry de Montpellier, co-auteur avec Jean-Christophe Monferrand d'un film l'année dernière au CNRS Images, Mémoire promise sur la mémoire de l'esclavage au Bénin, et auteur prochain dans la collection Esclavage de chez Cartala, du revers de l'oubli. Bonjour Fanny Bunion. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour ces Amazones de la terreur, sous-titre sur la violence politique des femmes de la fraction Armée Rouge à Action Directe dans la petite dans la bibliothèque historique de chez Payot. Donc un livre qui revient sur une idée reçue, pourrait-on dire, classique généralement quand on parle de violence politique. Les femmes ne sont pas faites pour pouvoir pratiquer cette violence politique et vous triturez tout cela, toutes ces idées reçues, en partant beaucoup de la presse des années 70 et 80, autour à la fois du phénomène allemand de la fraction Armée Rouge, de ce qu'on a appelé la bande Bader-Meinhof par exemple, mais aussi d'Action Directe et de la présence des femmes dans ces mouvements armés, Fanny Bunion. Oui, effectivement, ce qui m'a intéressée dans ce travail, c'est de regarder comment la catégorie de femmes terroristes a été forgée, effectivement, dans les années 70 et 80, avec cette idée que ce serait une nouveauté. Que ce serait la première fois que des femmes se seraient engagées avec des armes à la main, que ce serait la première fois qu'elles auraient assassiné ou détruit des bâtiments au nom d'idées. Alors que quand on regarde sur le temps beaucoup plus long, on sait que c'est absolument faux. Mais il y a cette idée, voilà, d'un phénomène nouveau qui apparaît dans les années 70 en France, en Allemagne, mais plus largement dans les pays occidentaux. Oui, alors vous insistez beaucoup sur ce que la presse de l'époque a appelé une sorte de matrice allemande, un produit d'importation. Donc vous dites, en fait, chronologiquement c'est vrai d'ailleurs, ce mouvement armé est plus précoce en Allemagne qu'en France, puisque les premières tentatives d'enlèvement en France, par exemple, tourneront autour de 1972, de Pierre Auvernet et de la Régie Renault, par exemple. Mais il est un peu plus précoce, puisque c'est à la fin des années 60 et au tout début des années 70 que démarre ce groupe qu'on va appeler Bader-Meinhof. Et la presse, quand elle voit ensuite arriver dans les années 70 des mouvements donc dans lesquels les femmes tiennent un certain rôle en France, disent, tout compte fait, c'est un produit d'importation, c'est l'Allemagne qui nous envoie donc ce modèle-là des femmes terroristes, Fanny Bunion. C'est effectivement quelque chose qu'on doit rattacher à la vieille histoire des imaginaires, enfin de l'imaginaire franco-allemand. Avec Marianne contre Germania. Exactement, avec cette peur de l'importation, d'une dangerosité féminine germanique, là, plus qu'allemande, hein, supposée. L'idée que c'est un phénomène qui dépasse les frontières et que, comme ça, va déferler, entre guillemets, sur la France, un phénomène inédit. Comme vous l'avez dit, il y a des choses qui se passent en Allemagne, il y a aussi des choses qui se passent en même temps en France. Ce qui apparaît en tout cas comme une nouveauté, c'est que les femmes, elles sont visibles. Ce qui permet d'ailleurs souvent... Elles ne sont pas cantonnées à être en arrière de la main, à être en deuxième rideau, à être en train de préparer des choses ou des attentats pour les hommes qui vont les accomplir, mais là, effectivement, elles sont plus présentes sur le terrain. Enfin, c'est comme ça qu'on les voit. Elles sont en première ligne, elles sont visibles, elles ne sont pas masquées, elles ne sont pas dissimulées. C'est d'ailleurs ce qui permet souvent aux enquêteurs de distinguer une opération de banditisme classique, par exemple quand il y a une attaque de banque, d'une opération menée par une organisation révolutionnaire, c'est de dire, s'il y a des femmes, c'est que c'est politique. Oui, parce que si, avec la vieille idée que c'est la mafia ou les bandes organisées, du crime organisé, elles rejettent pour des raisons d'honneur la présence des femmes, les armes à la main sur les terrains d'opération. En revanche, effectivement, il y aurait cette dimension plus assumée du côté des groupes révolutionnaires. Alors, prenons cet exemple de l'infraction armée rouge. D'abord, c'est vrai, on l'a appelé le groupe Bader-Meinhof, donc de deux noms, l'un d'un garçon, l'autre d'une fille, l'un d'un homme, l'autre d'une femme, donc qui correspond effectivement à cette idée qu'il y a peut-être une sorte de parité à l'intérieur de ce groupe de la fraction Armée Rouge, Fanny Bunion. Alors, les activistes de la fraction Armée Rouge, eux, rejettent cette appellation du groupe Bader-Meinhof, la police ou les médias vont aussi surnommer la bande à Bader, qui rappelle aussi la bande à Bonnet, en tout cas une personnalisation autour d'une figure forte. Et effectivement, là, Andreas Bader, un homme militant, et puis de l'autre côté, Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof, elle est déterminante dans cette histoire elle apparaît comme quelqu'un d'éminemment singulier, d'abord parce qu'elle est une journaliste de renom, c'est une intellectuelle de la gauche critique allemande très très connue, très en vue sur la place publique. C'est aussi une femme qui est une féministe convaincue et affichée. C'est aussi une femme dont le militantisme originel vient des mouvements pacifistes et antinucléaires, parce que c'est une femme qui est née en 1934. Donc qui a connu enfant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, et c'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans sa trajectoire à la fois personnelle mais aussi intellectuelle. Et elle va être présentée comme l'intellectuelle du groupe, donc dans cette expression répartition des rôles. Voilà, groupe Bader-Meinhof, Ulrike Meinhof présentée comme étant le cerveau intellectuel, et puis Andreas Bader étant présenté comme l'homme d'action, le baroudeur, l'aventurier, Le playboy aussi. Voilà, le séducteur aussi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce binôme qu'on construit Bader-Meinhof, ce n'est pas un couple. Mmh. Le couple, ce sera un autre couple, c'est donc Bader-Einsling, donc Gudrun Einsling, et ça donnera lieu d'ailleurs à des rejeux, pourrait-on dire, un rebattage de cartes autour de cette question des femmes présentes dans les groupes terroristes, puisqu'on dira Gudrun Einsling, elle est dans le groupe parce qu'elle est amoureuse, parce que il y a un rapport avec Andreas Bader, et donc d'une certaine façon, les femmes qui s'engagent, ça permet de classifier facilement les choses, c'est soit parce qu'elles sont amoureuses, soit parce qu'elles... Et quand elles ressortent du mouvement, c'est parce qu'elles sont déçues, il y a une déception amoureuse, etc. Pour ne pas expliquer qu'il peut y avoir un engagement politique très fort de ces femmes terroristes dans les années 70. C'est effectivement une constante. C'est pas spécifique à Gudrun Einsling. On le voit pour quasiment la totalité des femmes qui ont été identifiées comme ayant appartenu à ces organisations révolutionnaires armées. L'idée que leur présence serait liée à leurs affects, serait conditionnée à des questions de sentiments à l'égard d'un homme. C'est toujours dans ce sens-là. C'est, d'une certaine manière, on dépolitise leur présence dans ces organisations, alors que pour les hommes, il n'est jamais question d'affect, il n'est jamais question de sentiments qui pourraient conduire à leur engagement dans une organisation. Donc on reste avec cette idée que, même alors qu'en droit, les hommes et les femmes sont égaux, en France et en Allemagne, et bien que les vecteurs de l'engagement pour les hommes et pour les femmes ne sont pas les mêmes, et que les femmes restent quelque part sous tutelle symbolique de leurs sentiments à l'égard des hommes. Alors vous dites effectivement qu'il y a ce regard porté sur ces groupes armés qui d'une certaine façon instrumentalise la présence des femmes, mais ceux qui, et là on peut peut-être comprendre ceux qui voient arriver ces groupes en particulier, et la présence des femmes dans ces groupes, c'est la quasi-parité, pourrait-on dire, dans ces groupes des femmes. Et tout le monde dit, oh là là, on est surpris, il y a la moitié des femmes des membres de la fraction Armée Rouge qui sont cherchées, ce sont des femmes. Ou alors, un peu plus tard, pour ce qui concerne les militantes donc et les gens qui sont proches du groupe Action Directe, et bien là aussi, il y a un grand nombre de femmes. C'est l'émergence non plus d'une seule figure féminine, mais d'une multiplicité de figures féminines à l'intérieur de ces groupes armés qui surprend, en tous les cas, le pouvoir d'un côté et de l'autre du Rhin, et la presse. C'est vrai que le pouvoir et aussi les policiers ne s'y attendent pas. Ça ne correspond pas au code habituel de la criminalité. Effectivement, on n'est plus sur des figures enfin pas uniquement en tout cas sur des figures individuelles, mais sur cette idée qu'il y a des groupes, qu'il y a des collectifs de femmes qui sont engagées derrière la bannière de la Révolution avec les armes à la main. Et c'est un phénomène qu'on observe à l'échelle de la planète. Mmh. C'est pour ça que ça désarçonne. On l'a en Allemagne, on l'a en France, on l'a en Italie, on l'a au Japon. Souviens-nous de Patricia, comment ça, Hearst, dans les groupes des États-Unis, en Italie, de Adriana Faranda et d'Annala Braghetti en 1978, qui font partie du commando qui enlève Aldo Moro, et de bien d'autres qui font partie de ces mouvements d'extrême gauche en Italie. C'est vrai que ça peut surprendre, dans tous les cas. Et on peut comprendre une sorte de trouble des autorités policières, d'autant que ce trouble des autorités de l'ordre et des autorités policières porte aussi sur le comportement de ces femmes dans les coups, dans le moment où elles interviennent les armes à la main, au point, et vous le citez, que dans un article du Figaro en 1986 à propos des groupes armés de l'action directe, eh bien, un instructeur de police aurait dit, mais est-ce que c'est vrai, tirez d'abord sur la femme, sinon vous êtes un homme mort. Sur la détermination féminine dans ce type de groupe armé. Cet engagement féminin, il tranche avec les représentations qu'on a de ce qui devrait être du masculin et ce qui devrait être du féminin, l'idée qu'il y a voilà une douceur, un soin, des sentiments voilà plus développés chez les femmes. Ce qu'aurait dit cet instructeur de police, je peux ajouter aussi ce qu'a dit l'avocat général au procès de l'assassinat de Georges Besse en 1988. Ce que déclare l'avocat général. Le patron de la régie Renault, tué par action directe. Voilà, assassiné en novembre 86 par un commando composé de notamment deux femmes qui vont l'abattre en pleine rue alors qu'il regagne son domicile parisien à la sortie de sa journée de travail. Eh bien, ce que déclare l'avocat général, c'est le plus horrible, le plus choquant, c'est que les tueurs soient des tueuses. Mmh. Voilà, c'est le sexe en fait, le sexe des terroristes entre guillemets, qui crée une stupeur plus forte. J'ai presque envie de dire que le crime en lui-même. Alors, ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, donc Les Amazones de la Terreur, Fanny Bunion, c'est que vous typologisez, vous reprenez plutôt les typologies telles que la presse et les commentateurs les ont déterminées, des typologies qui sont toujours un peu les mêmes, dites-vous. Ces femmes sont présentées comme des furies, des sorcières, des pétroleuses, ou, c'est le titre du livre, entre guillemets, des Amazones de la Terreur, Fanny Bunion. Les imaginaires sexuels sont extrêmement puissants et circulent dans le temps et dans l'espace d'une manière assez extraordinaire. Et effectivement, pour penser cette violence politique des femmes, on fait appel à toute une série de figures historiques ou mythologiques sans équivalent masculin. Il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Passionario, il n'y a pas de Furion, enfin je ne sais pas, mais en tout cas... Et des sorciers, mais bon, on leur attribue pas les mêmes qualités. On leur a pas attribué les mêmes qualités, et puis les procès n'ont pas été de même ampleur à leur égard. Donc effectivement, on rattache ces figures féminines du désordre, en quelque sorte, de ces militantes révolutionnaires, à un imaginaire plus large de figures féminines du désordre, avec cette idée derrière que la guerre des sexes n'est pas loin. Ce qui est quand même très intéressant et ce qui est très ambigu, pourrait-on dire, dans la façon dont la société parle de ces femmes engagées dans les mouvements terroristes, Fanny Bunion, et que vous retranscrivez dans votre livre, c'est on danse un peu sur deux pieds en changeant de pied très régulièrement. On dit ce sont des amoureuses et parfois des vulnérables, ou au contraire, on dit d'autres fois ce sont des femmes très fortes qui fragilisent la masculinité. Donc en fait, on ne sait pas très bien comment les qualifier, et généralement les mêmes articles ou les mêmes journaux, à quelques semaines ou quelques mois d'écart, utilisent l'une des métaphores ou l'autre de métaphores qui dit exactement le contraire de la première. Exactement, pour qualifier les mêmes individus, les mêmes femmes. Donc il y a cette espèce de tension permanente entre rattacher à des codes classiques, quelque part rassurant, de la féminité, et puis en même temps pointer le décalage, la rupture avec justement les normes de genre. Ce phénomène, là, celui que j'ai analysé, on est dans une période assez particulière. On est quand même dans les années 70-80, on est quand même à une période où les femmes deviennent égales en droit, on est quand même à une période où la deuxième vague féministe aussi bouscule les codes, très largement, au-delà des groupes militants qui peuvent exister, mais il y a une diffusion au sens large, culturelle, des valeurs d'égalité, la question de l'émancipation. Donc on est dans un espèce de bouillon de culture comme ça, qui qui interpelle et où on se demande si le brouillage des genres n'est pas en cours. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette tension permanente. Entre des rôles classiques, pourrait-on dire, donc l'amoureuse soit tellement enamourée qu'elle suit son amoureux, soit déçue et qui vient ensuite donner à la police celui pour lequel elle était tombée amoureuse. Et puis de l'autre côté, en revanche, celle qui impose son rôle aux hommes, et vous citez le cas, par exemple, au moment du procès justement d'Action Directe, de Nathalie Ménigon, non pas agressant, mais remettant à sa place Régis Schœlcher, donc dans le box des accusés. Et là, la presse dit, c'est en fait une masculinité en danger. Alors, on pourrait presque entendre des échos plus récents de Éric Zemmour ou d'autres qui disent que dans ces années-là, c'est joué justement quelque chose autour du rôle inversé des hommes et des femmes, Fanny Bignon. Il y a cette idée que ce sont effectivement des femmes fortes qui sont en train d'écraser des hommes, que les hommes sont peut-être en train finalement de les suivre. Et de perdre la main. Perdre la main, et que ces femmes peuvent devenir dangereuses, être déconnectées d'une féminité liée aux affects et à la maternité. D'ailleurs, on va aussi beaucoup s'interroger sur cette question de la maternité. Certaines sont mères, d'autres ne le sont pas, mais celles qui ne le sont pas, on va insister en disant, regardez, elles n'ont pas d'enfants ou elles n'en auront jamais, ce sont des femmes inaccomplies, donc quelque part, si elles ne sont pas accomplies, elles vont peut-être devenir des hommes, écraser les hommes, et donc voilà, cette idée que l'équilibre supposé des sexes est en danger. Et il faut dire qu'elles ne facilitent pas le boulot aux commentateurs, ces femmes en l'occurrence dans les années 70 et surtout dans les années 80, parce que ce que vous expliquez, c'est que chacun des commentateurs, journalistes ou spécialistes policiers qui intervient dans les médias à l'époque, Fanny Bunion, tente de leur trouver un qualificatif. Est-ce que c'est une génération? On aimerait bien que ça soit une génération, mais si c'est une génération, ça colle pas, parce qu'Eliette Besse, par exemple, elle a 50 ans au moment où elle s'engage et où elle apparaît dans le spectre d'Action Directe, et donc ça peut pas être la génération des 20 ans ou des 30 ans, c'est pas possible. Donc ça ne colle pas. Est-ce que c'est une Française ou une étrangère? Alors on se dit, tiens, s'il y a un mouvement français, ça serait formidable. Et puis ça marche pas parce que une des premières, Olga Girotto, est une Italienne. Donc on sait pas très bien quoi en faire. Alors si c'est une Italienne, est-ce qu'elle importe des méthodes du mérampant italien sur le territoire français? Donc on voit bien que cette catégorisation, cette typologisation de ces femmes est très difficile pour les commentateurs qui sont un peu perdus, il faut l'avouer quand même, Fanny Bunion. Ils sont un peu perdus, puis j'ai envie de dire, pour reprendre votre expression, elles sont pas là pour leur faciliter le boulot. Elles sont là, elles, pour faire la révolution, les armes à la main. Donc c'est pas leur sujet de préoccupation. Effectivement, c'est un objet insaisissable. Une des difficultés, je pense, dans l'historiographie française sur cette question-là, c'est qu'il y a une forme de confusion entre histoire et mémoire. La mémoire de quelques-uns s'est imposée comme la version officielle d'une histoire qui laisse de côté, justement, les parcours considérés comme déviants, à la différence peut-être de l'historiographie allemande ou italienne, qui ont interrogé cette période-là. On a tendance à considérer ce phénomène comme une espèce de queue de comète. Oui, c'est d'ailleurs très intéressant, parce que vous insistez sur l'excellent travail d'Isabelle Sommier, qui était la première et la seule d'ailleurs à faire un véritable travail un peu long sur cette question de la violence politique en France et en Italie, en comparant les deux endroits. Vous comparez l'Allemagne et la France, et vous dites, tout compte fait, il y a quand même un vrai problème qui est qu'on ne sait pas très bien, il n'y a pas eu un véritable travail fait sur une prosopographie de ces militantes et de ces militants d'ailleurs, un véritable travail qui permettrait à l'historien de s'y retrouver. Ça tient aussi à ce que vous dites, ce brouillage entre mémoire et histoire, qui souvent, et là le rôle d'un livre comme Génération a beaucoup joué, a voulu dire, ce brouillage, qu'au bout du compte, eh bien, les Français avaient été plus intelligents, ce qui n'étonne pas tous ceux qui parlent de notre arrogance, que les Allemands ou les Italiens, puisqu'ils s'étaient arrêtés à la porte de la violence politique, et que c'est vrai, il y avait eu le cas d'Action Directe, mais qu'on n'était pas tombé dans une violence politique de masse, comme dans l'Italie du début des années 70 ou l'Allemagne du début des années 70, Fanny Bunion. Bah, la France n'est pas l'Italie ou la France n'est pas l'Allemagne, c'est évident, mais on ne peut pas passer sous silence le fait que des dizaines, des centaines de militants en France se sont engagés au service de la révolution en armes. Avant Action Directe, il y a eu dans l'Hexagone, et je ne parle même pas des colonies, hein, d'autres organisations révolutionnaires. Pour rappeler les Brigades Internationales. Les Brigades Internationales, les Noyaux Armés pour l'Autonomie Populaire. NAPAP. Les fameux NAPAP. Il y a eu l'expérience de la gauche prolétarienne aussi, qui qui reste encore quelque chose de mal connu, en tout cas non intégré à l'histoire des longues années 68. Et c'est peut-être là d'ailleurs, autour de la gauche prolétarienne, que se joue ce nœud-là, puisque ce sont les acteurs de la gauche prolétarienne, d'une certaine façon, qui eux-mêmes ont raconté cette histoire en mélangeant mémoire et histoire, et en disant au bout du compte, nous avons été plus malins, plus intelligents, nous nous sommes aperçus de la dérive dans laquelle nous pouvions entrer, et nous nous sommes arrêtés... juste avant qu'elle ne tourne vinaigre, donc cette action. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans votre livre, Fanny Bunion, c'est que j'ai noté parce que ça me rappelle mes tout débuts à France Culture. J'étais à France Culture en 1986, au moment des attentats et en particulier de l'arrestation d'Action Directe. Et on avait noté dans le journal de France Culture, c'est comme ça que ça avait été présenté, le fait que arrêtés dans leur maison de Sologne, je crois, les militants d'Action Directe avaient dans un coin une vache, comme on dit, enfin une serviette en cuir, celle de Georges Besse qui était en train d'être mangée par des hamsters. Et alors là, je me souviens du présentateur du journal qui disait « Oh, horrible détail, la serviette de Georges Besse est en train d'être mangée par les hamsters » et j'ai trouvé une explication à cette remarque qui m'avait paru à l'époque un peu surprenante. Dans votre livre, Fanny Bunion, vous pouvez nous expliquer pourquoi on avait porté une attention soutenue à cette question des hamsters ? Alors quand Georges Besse est assassiné en novembre 1986, son cartable, sa serviette de travail est dérobée. Et quand des membres d'Action Directe sont arrêtés le 21 février 1987 dans une ferme de Sologne, on retrouve effectivement cette serviette en morceaux. Et effectivement, la presse va reprendre cette anecdote. Cet horrible détail. Qui finalement en fait est extrêmement révélateur de cette catégorie des femmes terroristes et de tout ce qu'elle met en jeu. Cette serviette aurait donc été donnée à ronger au hamster de Nathalie Ménigon qui voue une affection particulière aux animaux. Voilà. En fait, c'est une méprise phonétique. Bon, déjà, si on se renseigne un tout petit peu sur le régime alimentaire des hamsters... Ça ils mangent pas du cuir. Non, et puis ce sont des rongeurs et c'est un peu difficile de ronger du cuir, mais visiblement, sur le coup, personne n'a vérifié. En fait, c'est une méprise phonétique. La serviette de Georges Besse a effectivement été découpée en morceaux, mais pas pour les donner à ronger à des hamsters, mais pour en fabriquer un holster, c'est-à-dire un étui pour une arme à feu. Et effectivement, la presse s'est emballée autour de cette méprise phonétique. On est dans l'imaginaire, voilà, de la sorcière, de la cruauté, de la monstruosité, de la perversion. Déclinée uniquement au féminin, hein, on va dire, voilà, les hamsters que Nathalie Ménigon affectionnait tant. Voilà, c'est la petite ménagerie domestique, d'un côté, donc une femme qui, d'une certaine façon, pourrait être dans son rôle de ménagère, et puis qui, d'un seul coup, se transforme en furie, et qui va assassiner Georges Besse et récupérer sa serviette, et c'est là l'ambiguïté de ce rôle. Je vous remercie, Fanny Bunion, d'avoir été l'invitée de la Fabrique de l'Histoire pour ce livre, dont je rappelle qu'il est publié dans la bibliothèque historique de chez Payot. Ça s'intitule « Les Amazones de la terreur, sur la violence politique des femmes, de la fraction Armée Rouge à Action Directe ». Vous continuerez ce travail, puisque vous travaillez, je crois savoir que vous avez travaillé avec Muséen, avec les archives du féminisme, sur ces rôles sexués attribués aux femmes dans la violence politique des années 70, ou vous allez passer à un autre sujet, Fanny Bunion ? Je vais continuer à m'intéresser à ces femmes en marge, effectivement. Ouais. Mais en marge de la légalité tout au long du XXe siècle. Et vous pouvez remonter à Callie Beattie Jane et à Bonnie and Clyde et deux ou trois autres peut-être, j'imagine. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, effectivement. Merci beaucoup, Fanny Bunion. Merci. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h33, eh bien, nous recevons Gaetano Cercia. Bonjour Gaetano. Bonjour. Vous êtes anthropologue et vous êtes avec nous pour évoquer, donc, en ouverture d'une semaine que Séverine Yatard consacre... Bonjour Séverine. Bonjour. Consacre à l'histoire de l'esclavage. Vous revenez tout juste des Antilles, c'est cela ? Ouais, vous êtes chance. Allé. c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas avec vous. Mais en l'occurrence, c'était visiblement intéressant, en tout cas, sur la question de la mémoire de l'esclavage. Pour l'inauguration, donc, du Memorial Act de Pointe-à-Pitre. Et donc, avec Séverine Cassard, vous nous avez préparé, concocté une émission donc qui sera diffusée non pas le mardi comme habituellement, puisqu'il vous fallait le temps de la préparer, de la monter, mais mercredi prochain, donc dans deux jours, dans la Fabrique de l'Histoire. D'ici là, nous allons avoir d'autres sujets, des sujets de débat autour de la question de l'esclavage et de sa mémoire. Alors, Gaetano Cercia, vous avez travaillé donc vous-même en tant qu'anthropologue sur ce terrain béninois que vous connaissez bien, et vous avez produit à l'occasion donc un film avec un réalisateur qui s'intitule Mémoire promise, qui a été donc réalisé l'année dernière, et vous préparez donc un livre qui sortira d'ici un ou deux mois du côté de chez Cartala dans la collection sur l'esclavage, qui est dirigée par Myriam Cotias, qui sera une de nos invitées cette semaine, et qui s'intitule ce livre Le revers de l'oubli. Pourquoi ce titre, Le revers de l'oubli? Mais disons, je considère, bon, d'abord je voudrais dire que le film a été réalisé avec donc Jean-Christophe Monferrand, et disons c'est un film qui tente de restituer l'actualité de la relation mémorielle entre les commémorations autour du passé de l'esclavage au Bénin et disons, un mouvement de réforme des cultes voodoo qui deviennent aussi des biens culturels et aussi significatif d'une religion diasporique qui se met en place entre l'Afrique et les nouveaux mondes produits donc par l'histoire de la traite transatlantique. Donc c'est un film qui se focalise sur cette notion de mémoire, sur ses usages, sur aussi l'idée que il y a plusieurs mémoires qui cohabitent dans le même espace, des mémoires locales, des narrations qui sont plutôt propre à la région, mais aussi une mémoire solennelle, une mémoire officielle, une mémoire instituée, qui est donc justement instituée par des entités, des organismes, des instances comme l'UNESCO, l'État béninois. Ouais, alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le cœur de votre travail d'anthropologie, pourrait-on dire, que de tenter de comprendre comment ces différentes mémoires s'entremêlent, se fracassent parfois, se contredisent aussi sur le terrain béninois et ne sont pas faciles à mettre en œuvre d'une certaine façon. Alors, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le Bénin, que le Bénin est une terre donc qui a longtemps été une terre de départ pour les esclaves africains vers le Nouveau Monde, mais aussi que c'est un pays, un des premiers pays qui, à partir de la conférence de la Baule, donc en 1990, a mis en place un processus, disons, démocratique, d'élection, qui a vu arriver au pouvoir en 1991 M. Nicéphore Soglo, et que Nicéphore Soglo avait tout de suite, dès son arrivée au pouvoir, l'intention, justement, de mettre cette question de l'esclavage au cœur de son action politique, pourrait-on dire, de ses usages politiques du passé, en l'occurrence Gaetano Cercia. Oui, en fait, il est, disons, opportun, je pense, de contextualiser, comme vous l'avez déjà fait, la configuration, la conjoncture qui a donné lieu donc à cet investissement de la part des élus, des hommes politiques béninois sur les passés de l'esclavage. En fait, la transformation, finalement, l'institution de ces passés en tant que patrimoine, en tant qu'héritage, va avec, disons, un processus de transition démocratique. Un régime démocratique après 17-18 ans de régime d'inspiration pseudo-marxiste-léniniste, donc qui était le régime de Mathieu Kérékou. Donc, entre la fin des années 80 et le début des années 90, finalement, il y a, disons, le passage à la démocratie, il y a des élections. Ces élections sont, comme souvent arrive au Bénin, l'enjeu de conflits particulièrement forts entre des représentants politiques originaires de différentes parties du pays. Et Soglo, donc, originaire d'Abomey, on est dans les centres, centre-sud, centre-méridional du Bénin, investi aussi sur des chefs locaux, des dignitaires, des notables, et crée une sorte d'alliance qui est à la fois politique, électorale, et donc qui donne lieu aussi à plusieurs projets de mise en valeur. Patrimonial. Oui, en fait, il faut aussi se rappeler que nous sommes donc en 1992 dans la commémoration des cinq siècles de la découverte par Christophe Colomb de de l'Amérique. Donc l'UNESCO lance un projet, donc le projet de la route de l'esclave, et au début les pays qui devaient héberger en fait ces activités étaient Haïti. Haïti ne garantissait pas des conditions de stabilité politique, et économique et de sécurité sociale au sens vraiment large du terme pour accueillir un tel événement. Donc grâce aussi à l'action de Noureddine Tijani Serpos, qui était à l'époque vice-directeur général de l'UNESCO, donc lui aussi du Bénin, conseiller et proche de Nicéphore Soglo, on investit donc sur le Bénin grâce non seulement au passé de l'esclavage, mais aussi parce que le Bénin est considéré, entre guillemets, les berceaux des cultes voodoo, donc de ces cultes qui ont voyagé à travers l'Atlantique. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que, évidemment, en lançant une telle opération, qui est une opération à la fois politique et mémorielle, Nicéphore Soglo ouvre une sorte de boîte de Pandore, peut-être même sans le savoir, sans s'en apercevoir, parce que la vraie difficulté d'un pays comme le Bénin, c'est qu'il y a à la fois des victimes de cet esclavage, mais il y a aussi des gens qui ont collaboré à la traite et qui sont en particulier les descendants, soit des commerçants qui ont pratiqué la traite, et en particulier les De Souza, qui sont très présents dans le film que vous avez réalisé, qui s'appelle donc Mémoire promise, et puis de l'autre côté, soit parce que ce sont les descendants des rois d'Abomey qui étaient eux-mêmes des gens qui faisaient prisonniers des prisonniers, qu'ils transformaient en esclaves avant de les vendre ensuite à des marchands européens. Et là, évidemment, ça créer quelques tensions dans le pays, et c'est sur ces tensions que vous avez travaillé, Gaëtan Tchartier, et c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de cette ambiance difficile de mémoire de l'esclavage dans un pays comme celui-ci. Oui, en fait, j'ai été entre guillemets fasciné par la cohabitation de plusieurs entreprises mémorielles qui gravitaient autour d'un projet relativement consensuel, c'est-à-dire le projet, a priori, on commémore le passé de l'esclavage, on commémore l'abominable, on commémore un phénomène qui est signe d'opprobre, et en même temps, autour de ce consensus, il y a plusieurs entreprises qui sont à la fois émanant de groupes, de communautés, de familles, de lignages, mais aussi d'individus, qui deviennent en quelque sorte des véritables entrepreneurs de passé, finalement, sur ces contextes. Donc, j'ai trouvé particulièrement intéressant observer comment ces mémoires sont à la fois en opposition, en conflit, mais en même temps elles gravitent autour d'une doxa, d'une opinion en quelque sorte qui se voudrait en quelque sorte consensuelle. Oui, il faut la créer, cette doxa et cette opinion. Et le vaudou sert à ça, mais même dans le vaudou, on se dit, ah, tout le monde n'est pas d'accord, parce que certains disent, ben non, il faudrait laïciser toute cette histoire de l'esclavage. Pourquoi aller chercher une religion? C'est un peu bizarre, pourquoi on va chercher une religion? Et on voit bien qu'effectivement, même dans l'entourage du président Nicéphore Soglo, il y a des tensions autour de cette mobilisation ou remobilisation, réinvention de tradition, pourrait-on dire, autour de la question du vaudou dans ce pays qui est le Bénin au début des années 90. Oui, il y a plusieurs personnalités qui s'affrontent finalement au sein de l'entourage de Soglo. Par exemple, il y a Tijani Serpos qui est, disons, son conseiller, son proche, et je le considère les démiurges finalement du projet de la route de l'esclave, et aussi du projet qui l'a précédé, qui est le festival Ouida 92, qui finalement a conféré au Bénin la légitimité d'accueillir une année plus tard le lancement de la route. Et par exemple, d'autres personnalités comme le philosophe Paulin Ontonji, qui était à l'époque ministre de la Culture, qui s'est opposé, disons, d'une manière plus ou moins explicite à travers un entretien qu'il avait donné à un des grands quotidiens nationaux, où en fait il était plutôt, ou il se disait plutôt favorable à une, comme vous l'avez dit, une laïcisation ou à non-vaudounisation finalement des cultes du passé de l'esclavage via les cultes voodoo, et surtout dans un pays où le voodoo a été historiquement, et je dirais aussi anthropologiquement, à la fois des pratiques et des rituels qui pouvaient, et des objets qui pouvaient protéger du danger de la razzia, mais c'était aussi, disons, une une institution qui collaborait à travers des hiérocraties qui étaient du côté finalement du pouvoir esclavagiste. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est toute cette ambiguïté que vous mettez au cœur de votre propre travail d'anthropologue, Gaetano Cerchia, parce qu'évidemment les personnages ne sont pas ni tout blanc ni tout noir, ne sont pas du côté du bien, de ceux qui auraient été des victimes de l'esclavage ou du côté du mal qui n'auraient été que des esclavagistes, et vous montrez bien cela. Prenons par exemple cet exemple tiré de votre film, donc Mémoire promise. Il s'appelle Danone Akakola, donc il est dignitaire vaudou. Il conclut d'ailleurs votre film parce que il montre aussi que le Bénin n'est pas seul dans cette affaire-là. Vous avez cité évidemment l'UNESCO, mais il y a aussi tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en Haïti, aux États-Unis, au Brésil. Il faut en tenir compte. C'est le fameux ici et là-bas qu'énonce donc Danone Akakola dans l'extrait de ce documentaire. Ils étaient déjà nerveux depuis leur pays avant d'arriver ici à Bomé, avant d'aller là-bas. Ils n'étaient pas comme nous ici. Ils étaient liés derrière. Ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés par le cou. Quel bonheur y avait-il là? Ceux qui survivaient, ils voulaient survivre encore de plus là-bas. On les avait dit, si vous allez, vous allez revenir. Vous irez vivre une bonne vie là-bas. Ce n'est plus ça. Ils ne revenaient plus ici. Ils sont restés là-bas. Ceux qui ont la chance de vivre pendant longtemps, ils ont eu des enfants. Mais ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus promptement comme on le voulait. Ce sont leurs petits-enfants qui sont en train de faire des recherches, qui sont en train de revenir aujourd'hui. Ils savent qu'ils sont béninois et ils viennent. Si tu es enfant d'ici, on ne te connaît pas. Nous siècles pendant deux siècles. C'est pourquoi je dis qu'ils veulent être des enfants d'ici, mais on ne peut pas les accueillir à bras ouverts. On va t'accueillir. Mais comme tu n'es pas né ensemble ici avec nous, est-ce que tu n'es pas venu pour nous coloniser de nouveau? On ne sait pas. Alors ça, c'est une profonde ambiguïté, effectivement. Voilà un pays qui, depuis 1991, célèbre, raconte, re-raconte, réinvente même l'histoire de l'esclavage, recrée les routes qui conduisaient du royaume d'Abomey jusqu'au bord de la mer à Ouida, là où étaient chargés les esclaves pour partir dans le Nouveau Monde, et qui se pose la question du retour, non pas du retour de ceux qui sont partis, c'est trop tard, ils sont tous morts, ni même des descendants de ceux qui sont partis en ligne directe, mais de ceux qui sont 3, 4, 5 générations après, en train de revenir et de faire quoi, en l'occurrence Gaetano Cerchia, quand ils reviennent, ils veulent quoi, ceux qui, afro-américains, haïtiens, brésiliens, viennent faire le voyage jusqu'à Ouida et jusqu'à Abomey, reprendre cette route de l'esclave créée par l'UNESCO? Mais en fait, il y a plusieurs flux de groupes qui s'inscrivent donc dans la nébuleuse de la diaspora. Et donc il y a plusieurs diasporas. Il y a diasporas qui sont animées donc par la quête de retrouver des origines, d'inscrire finalement leur identité et dans son passé qui a été en quelque sorte volé à leurs ancêtres. Et en même temps, il y en a aussi certains, comme ceux que nous avons rencontrés en 2012, et qui s'inscrivent plutôt dans une démarche de occuper finalement le lieu, d'avoir la nationalité, de devenir d'une manière ou d'une autre des acteurs de la vie politique et économique locale. Oui, une activiste américaine qu'on entend, oui. Qui est dans une fête justement de retour au Bénin, qui dit « Nous n'avons pas de pays sur la terre africaine. Nous demandons une loi pour être accueillis sur place. Vous nous avez demandé de venir. Nous sommes là. qu'apporte la diaspora pour nous, pour les Béninois. Donc, mais nous devrions nous demander que pouvons-nous faire les uns pour les autres plutôt qu'à chaque fois les Béninois nous demandent ce que nous pouvons faire, nous, descendants d'esclaves américains, pour eux. On a l'impression qu'il y a une tension autour des réparations, de l'argent, de la possibilité que cet argent vienne permettre à l'économie béninoise de redémarrer, et qu'il y a des discussions donc entre descendants d'esclaves du territoire des États-Unis, par exemple, et puis béninois sur place. Oui, c'était, disons, c'est un passage que nous avons, qui nous a paru significatif, donc de ce que une anthropologue allemande, Katharina Schramm, a défini les missing links, c'est-à-dire les chaînons manquants entre des Afro-Américains et des Africains. Donc c'est un film que, disons, est issu de plusieurs années de recherche, et l'année précédente, j'avais assisté à la même marche du devoir de mémoire où il y avait d'autres Afro-Américains qui n'étaient pas du tout le même discours. Ah oui. Donc tout cela pour dire que finalement, ils étaient significatifs dans une certaine mouvance, mais pas de toutes les mouvances. Hein. Il y a aussi des mouvances qui sont beaucoup plus conciliantes. Alors, dans la préface à votre livre qui va apparaître donc dans quelques semaines donc chez Cartala, dans la collection sur l'esclavage, Gaetano Cercia, qui s'appelle donc Le revers de l'oubli, vous insistez sur quelque chose qui m'a paru étonnant, parce qu'on parle toujours de mémoire, et vous vous dites non, il faut travailler autour de la question de l'oubli. Pourquoi l'oubli, l'oubli de l'esclavage? Pourquoi est-ce que c'est une notion centrale, selon vous, qui permet de mieux comprendre ce que l'on voit au Bénin, ce que vous avez vu au Bénin? En fait, moi, je pense qu'on peut traiter l'oubli comme un phénomène social, au même titre de la mémoire. D'ailleurs, il n'y a pas de mémoire sans oubli. Hein, c'est-à-dire, la mémoire est d'abord une faculté de projection, du passé dans le présent et parfois dans le futur. Donc, mais surtout, disons, l'oubli, c'est en quelque sorte m'a paru une notion significative, parce que finalement, il s'agit moins de l'oubli du passé. Au contraire, il y a un véritable effort mémoriel qui fait qu'on doit faire. Même à toute force, même. Mais en fait, c'est l'oubli de la non contemporanéité des faits du passé. C'est-à-dire, cette idée m'était venue en écoutant les discours de Nicéphore Soglo au moment de l'inauguration du festival Ouida 92, où il fait cohabiter dans son discours plusieurs moments de l'histoire de la région. Le moment de la colonisation, les mémoires de la traite négrière, de la pénétration missionnaire. Donc, bien entendu, on peut, en historien, concevoir et étudier ces phénomènes dans leur continuité, qui est bien entendu nécessaire. Mais c'est le fait de les imaginer comme ayant lieu au même moment et de les commémorer en même temps, qui m'a paru significatif. Oui, et puis parce que vous dites qu'en fait, le travail qui est en cours, que vous avez pu observer en tant qu'anthropologue au Bénin, c'est un travail de désémiotisation, de resémantisation du passé, qui confère en fait un autre sens, dites-vous, à des signes, à des objets qui, d'une certaine façon, sont pris pour tels, comme étant des objets du passé, venant de ce passé, représentant ce passé, mais dont vous dites qu'en fait, ils ont été déplacés et ils ne sont plus exactement, évidemment, parce que le temps a passé, parce que peut-être on a réinventé ces objets en question, ils ne sont plus exactement là où ils devraient être. Oui, par exemple, juste pour rendre les choses un peu plus visuelles, disons, explicites, par exemple, il y a des cultes comme le culte des revenants, hein, des Egungun, qui sont des cultes où, dans les familles, on célèbre, on honore la mémoire des ancêtres. Donc, ce sont les ancêtres de la famille. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur les parvis de la porte du non-retour à Ouida des statues de revenants qui, en quelque sorte, d'une manière métaphorique, et pas seulement métaphorique, parce que c'est mis en avant aussi dans les discours de certains dignitaires, représentent les âmes, donc déjà cette idée d'âme qui est une idée relativement liée à la pénétration missionnaire, donc il représente les âmes des esclaves qui sont morts pendant et après la déportation. Et donc finalement, la figure du revenant en tant que figure culturelle se transforme en autre chose. Hein, donc, et bien entendu, on ne porte pas un jugement sur cette transformation qui fait partie finalement de toute vie culturelle et religieuse. Et qui embête, j'imagine, enfin qui, disons, n'arrange pas les affaires de l'UNESCO, qui dans sa création de, à la fois de route de l'esclave, de patrimonialisation de l'immatériel, voit ce qu'elle voudrait voir démontrer détournée par les acteurs eux-mêmes sur le terrain. Et c'est ce que vous racontez. Il y a la canonisation du souvenir par l'UNESCO, dites-vous. Et puis de l'autre côté, il y a des acteurs qui se débrouillent comme ils peuvent avec leurs origines. Et sont-ils descendants d'esclaves ou descendants d'esclavagistes? Comment fait-on pour pouvoir les mettre ensemble? Et ça, je trouve ça assez formidable. Et je voudrais reprendre pour ça Gaetano Cercia en conclusion de notre entretien. Une phrase qui est dite dans votre film « Mémoire promise », où un des acteurs dit « L'histoire est là et ça nous rattrape ». C'est ça, cette histoire-là. Oui, c'est Martine de Souza qui dit ça. Martine de Souza qui est à la fois descendante d'un négrier et en même temps guide qui promène des groupes d'Afro-Américains et donc qui tient un double discours qui n'est pas double dans le sens qui est hypocrite, mais c'est un discours qui se multiplie à cause aussi de ses plusieurs appartenances. Oui, parce qu'elle dit, moi je suis fier d'être descendant d'une personnalité célèbre, donc c'était cet esclavagiste qui a donc eu beaucoup d'enfants, oui. J'en suis très fier, mais en même temps, j'ai un peu honte quand même, donc je ne sais pas très bien comment faire avec tout cela. Oui, et je pense que ça montre très bien la situation actuelle, disons, de plusieurs interlocuteurs que nous avons rencontrés. Merci Gaetano Cercia. Votre film Mémoire promise, on peut le trouver au CNRS Images? Oui, il est en streaming sur les sites du CNRS Images. Sinon, il est aussi disponible en DVD, aussi avec une version sous-titrée en anglais, toujours sur les sites du CNRS Images. Et puis, votre livre paraîtra dans quelques semaines, donc, Le revers de l'oubli, aux éditions donc Cartala, dans la collection Esclavage. Donc, l'esclavage, ça va être notre thème toute la semaine avec vous, Séverine Niatar. Donc, et en particulier mercredi, puisque vous êtes de retour de la Guadeloupe, de ce Memorial Act, on va écouter un petit extrait de ce documentaire que vous nous avez préparé en urgence avec Séverine Cassard. De quoi s'agit-il? Un discours de Victorin Lurel, hein, qui est le président de la région Guadeloupe et qui a œuvré avec beaucoup d'énergie. Enfin, il n'est pas le seul, hein, bien sûr, précisons-le, pour que ce Memorial Act puisse voir le jour ici, là, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et dans les Caraïbes. Matière d'estime de soi, de pardon prodigué, de réconciliation avec nous-mêmes, de réconciliation avec les descendants des anciens maîtres, avec toutes les communautés de nos sociétés post-esclavagistes, avec l'Afrique, avec la République française, avec l'Europe. Sans sombrer dans une conception doloriste de la rédemption et de la réappropriation de soi et du tout monde, cette remontée n'a pas le droit de chercher à piétiner la fierté de l'ancien maître, de céder aux sentiments de violence et de haine. Mesdames et messieurs, nous devons nous interdire de comparer les échelles de souffrance et la gravité des crimes et devons, tout au contraire, comme le proposait Frantz Fanon, tendre l'oreille lorsque l'on entend parler en mal du juif, car c'est de nous qu'il s'agit. L'altérité est ici posée, l'autre c'est nous, et je est un autre, comme disait Arthur Rimbaud. Voilà donc pour un extrait de ce discours de Victorin Lurel, président du conseil régional, qui a inauguré avec François Mitterrand il y a maintenant 10 jours. François Hollande. C'est trop faire d'histoire, à la fin on ne sait plus où on en est, avec François Hollande en l'occurrence. Le 10 mai. Le 10 mai, ce Memorial Act. Alors ça sera un bâtiment magnifique, enfin on a pu voir des photos, il y a eu des articles, donc il y a toute une symbolique, racine d'argent sur une boîte noire. Sur cette boîte noire, il y a des éclats de quartz qui rappellent les âmes des disparus. Mmh. Hein, on en parlait de symbolique tout à l'heure avec Gaetano Cercia. Donc Le bâtiment n'est pas fini, il sera ouvert au public début juillet, mais on vous proposera donc dans la fabrique mercredi une balade hein, dans l'exposition permanente qui n'était pas tout à fait achevée, mais presque, avec donc Thierry Létang, Frédéric Réjean et Bruno Héroux. Et d'ici là, donc demain et jeudi, nous allons continuer sur cette histoire de l'esclavage en nous intéressant. Alors, on reparlera de la question de la patrimonialisation, puisqu'il y a un grand colloque qui se tient aux Archives nationales. Qui traite justement cette question de patrimonialisation et des archives de l'esclavage. Et puis, jeudi, nous intéresserons à aux révoltes d'esclaves. D'esclaves, etc., qui est un nouveau sujet, un sujet renouvelé par l'historiographie contemporaine. La question, justement, de ceux qui ne se sont, entre guillemets, pas laissés faire dans cette question de l'esclavage. Ça sera le thème de notre discussion de jeudi. Donc, merci, Séverine Yatar, pour tous ceux qui veulent écouter le documentaire cet après-midi. Demain, rappelons-le, et pas demain. Et demain, donc, nous aurons un débat et jeudi également. Merci encore, Séverine Yatar. Merci, Gaëlle Tchartchien. Merci à vous, Fanny Bunion, d'être venue pour les Amazones de la Terreur en première partie de cette émission. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marseille, Juliette Delperroux était avec nous aujourd'hui à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Comme pour toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, vous pouvez aller sur le site internet, écouter l'émission pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit, laisser vos commentaires sur ses pages www.franceculture.fr, mais également sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Vous êtes très actifs, très nombreux, puisque nous avons passé les 13 000 membres sur ce groupe, ainsi que donc sur le réseau Twitter.